Je suis comme tous ces enfants, pressé d'être adulte et aujourd'hui que je le suis, je les jalouse. Quand je vois mon corps qui lutte abîmé par la vérité des faits, la vérité des faits, un homme pour les plus faibles, on n'a jamais pu dire combien c'est comme. Comme un autre, j'ai les yeux hérités, sous mes yeux les cernes, tout se concerne et on le sait, on change juste de terme. Les portes se ferment, on se dit que c'est la nature qui fera le reste. Enfermé par le bitume, la nature a créé des pestes. Ensemble se contamine, tous ensemble s'abîme, le reste devine ce qu'on s'imagine. Dans cette odeur d'urine, devine, là ici c'est l'usine, les riches sont séparés d'une vitrine, le plus petit hallucine et les grands se matent sans estime. High cam, nous au mic, fire, et ça sent aïa. Je suis alka, le mal sur mes yeux et cherche la maya. Tous les coups on dit que ce sera la bonne et on se donne. Des fois on se cogne, on s'abandonne dans une bouteille de rhum. Mes gars savent de quoi je parle, de quoi je parle. Tes proches te remettent sur pied, ça repart. Je suis comme un autre, comme un autre. Accepte les jours où je me vautre. Comme un autre, j'ai fait des bons pas et des fautes. Sur mon scud ou du haut de la scène, je te dirai pareil. Je suis fait de joie, de peine, de peur, d'insomnie, de sommeil. Y'a les jours où je vois la fin et les jours où ça paye. Une histoire insensée, sans début, sans fin, sans conseil. On marche tous avec ses interrogations sans réponse. On marche tous, pour les plus fous, fonce tous. Des fois on se pousse, c'est chacun pour ça, pour la riscousse. Maîtrise pas la secousse comme un touriste perdu dans la brousse. Je suis ma course, baisse la tête quand j'ai le blues. Reste à mes sources, remonte la tête pour Camnous. Je reste naturel, showbiz ou pas, je reste réel. Je reste fidèle et ferai tout pour que ça reste nickel. Nickel. Comme les relations autour de moi, j'ai pas besoin d'un fan club, juste des gens qui je crois. Ça n'existe pas, sache que j'ai une famille à moi. On est déjà tombé assez bas, alors le reste c'est quoi? J'ai failli crever à 19 ans, la vie je la vois. Certaines priorités sont plus les mêmes, on vit qu'une fois. Si Dieu m'a donné une chance, je la prends et j'avance. Respecte cette importance, comment je pense? Comme un autre, un jour ou l'autre une prise de conscience. Comme un autre, je passe mon temps à visionner mon existence. Entre autres, j'analyse, passe mon temps à lire les fils de chacun, j'analyse. Allons surfer mes craintes, mes humeurs, c'est mon beat. Naisse, laisse faire, c'est de mon espèce. Qui fait subir, subira la route de la même vitesse. Un nouveau proverbe, calé pour un nouveau projet. Camnous dans le mille fils, puis là où c'est que rien n'est fait au hasard, je crée. Dieu chez moi face à la fenêtre, mon exutoire secret. J'ai pas de secret, pas de refrain, je lâche d'un trait. Comme un autre, reforme un nouveau portrait, tu sais. Comme un autre, j'ai pas toujours de thème, j'écris quand même. Ça me fait du bien, et peut-être aussi à ceux que j'aime. Chaque mot calculé pour captiver ton attention. Chaque mot choisi pour décortiquer ma vision. Cherche pas de concept, je reste moi-même. Comme n'importe qui, y a les jours où j'ai la flemme. Je laisse venir cet instinct d'écrire, me dire. Vas-y, c'est maintenant que je sens que se joue ton avenir. En 99, premier solo dans les bacs. Aujourd'hui, assiste au comeback. Comeback.